الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة الحضور، علينا أن نستشعر وأن نعي بفضل الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا من الذين يحاولون جهدهم بالتمسك بالكتاب والسنة ووفق فهم ومنهج سلف هذه الأمة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات. ومما لا شك فيه أن هذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر للمنعم سبحانه وتعالى، ولا يكون الشكر إلا بتحقيق التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنعم تزيد وتدوم بالشكر، وتنقص وتفقد بكفرانها. قال عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم. لونجا الله سبحانه وتعالى qui nous a guidés et on n'aurait pas pu l'être si Allah سبحانه وتعالى ne nous a pas guidés. Nous devons, frère en Allah سبحانه وتعالى, nous devons être conscients et bien saisir cette énorme grâce avec laquelle Allah سبحانه وتعالى nous a comblés. Il a fait de nous des adeptes de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam, qui essaye par tous les moyens de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna de son messager alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Surtout à notre époque où les séditions, les ambiguïtés sont comme des déluges, et il n'y a aucun doute que cette énorme grâce nous impose d'être reconnaissant à celui qui nous a comblés avec. Et la reconnaissance se réalise par l'accomplissement du taqwa, en mettant en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en s'abstenant de ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala selon le livre et la sunna et avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhi. Car les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala augmentent et durent avec la reconnaissance et diminuent, disparaissent avec l'ingratitude. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset: si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. مرحبًا بكم أيها الإخوة وجزاكم الله خيرا على حسن ظنكم بأخيكم. واعلموا أيها الإخوة في الله أنني لن آتيكم بشيء جديد، إنما هي الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، عملا بقوله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bienvenue à vous, frères en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour les bonnes suspicions que vous avez pour votre frère. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous bénisse. Que je vais rien vous ramener de nouveau, ce n'est que le rappel, et le rappel est profitable pour le croyant, comme cela est bien stipulé dans la traduction du verset qui nous dit: fais le rappel, car le rappel est profitable au croyant. Fa ma satasma'una ayyuha al-ikhwatu fillah laysa li akhikum fi al-jam' wa at-tansiq wa jazallahu al-ulama وطلبة العلم على ما قدموا لتوعية الأمة وتصحيح مسارها ومعتقداتها. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم الأموات وأن يطيل عمر الأحياء على طاعته وأن ينفعنا بعلمهم فهم منارات هذه الأمة. فسواه فقرنا الله سبحانه وتعالى. Ce que vous allez entendre de votre frère n'est qu'une compilation, une coordination entre les paroles des hommes de science. Qu'Allah récompense les savants et les étudiants en sciences pour tous ces efforts qu'ils ont faits pour réveiller la communauté et pour lui authentifier ses croyances et pour l'orienter vers la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Je demande tout-puissant subhanahu wa ta'ala, qu'il couvre de sa sainte miséricorde des morts et qu'il allonge la vie des vivants dans son obéissance, et qu'il nous fasse bien profiter de leur science, car ce sont eux les phares de cette communauté. ومما لا شك فيه أن هذه المجالس إخوة الإسلام نعمة عظيمة ومنة جليلة من الرحمن الرحيم. مجالس قال الله قال رسوله قال الصحب الكرام مجالس تحفها الملائكة وتغشاها رحمة رب العالمين وتنزل عليها السكينة ويذكر الله عز وجل جالسين فيها. Il n'y a aucun doute, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, que ces assises sont une énorme grâce du très miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Des assises, on entend Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le messager a dit, les nobles compagnons ont dit. Des assises, ce sont des assises qui sont entourées par les ailes des anges. Des assises qui sont enveloppées par la miséricorde du souverain subhanahu wa ta'ala. Des assises sur lesquelles descend l'apaisement et la quiétude, des assises dont les membres sont cités par Allah subhanahu wa ta'ala aux anges. فَطَلَبُوا الْعِلْمِ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي اللَّهِ فَضْلُهُ عَظِيمٌ كَمَا بَيَّنَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه البدع والشبهات والشهوات حتى صارت كالطوفان نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. تلاحظون هذه الأعداد الهائلة من الدعوات المنحرفة عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. La demande de science, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie des œuvres les plus méritoires. C'est une sorte de combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est bien clarifié par les hommes de science. Surtout à notre époque, où les séditions, les innovations, les ambiguïtés, les tentations sont comme des déluges. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Vous remarquez le nombre affolant des méthodologies, des da'wah qui sont en divergence avec la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Ces tendances et ces méthodologies qui n'arrêtent pas, qui ne cessent pas d'augmenter. وهذا يوجب علينا في طلبنا العلم أن تكون لنا فيه نية خالصة ومجالسنا يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله لا شيء يعدل طلب العلم إذا خلصت النية. إذا خلصت النية قيل وكيف ذلك؟ قال ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله معلقا على كلمة الإمام أحمد لأن في الأصل هم جهال مثله ولذلك إذا طلبت العلم لرفع الجهل عن الأمة فأنت من المجاهدين في سبيل الله. انتهى من كتاب العلم للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. Et donc cela nous impose dans notre quête de la science d'avoir une bonne intention et que le but de nos assises doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmed رحمه الله a dit rien n'égal à la science, rien n'égale la science pour celui qui a une bonne intention. Ils lui ont dit comment ça doit être. Il a dit, rahimahullah, il faut qu'il ait l'intention de se débarrasser de son ignorance et de débarrasser les autres de leur ignorance. L'Uridi ibn Utaymiyyah, rahmatullah alayh, commentant cette parole de l'imam Ahmed a dit, car à l'origine, ils sont ignorants comme lui. Donc, il dit, rahmatullah alayh, donc si tu apprends pour débarrasser la communauté de l'ignorance, tu es un des combattants sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fin des paroles de l'imam Al-Utaymiyyah rahmatullah alayh. Ayyuha al-ikhwatu fillah, inna at-tawhida huwa haqqullahi 'ala al-'abid wal huquq fi al-islam makanatuha 'azima wa haqqullahi darwatu sanami hadhihi al-huquq wa qutbu rahah wa la yasihhu haqqun min al-huquq wa la yuqbalu illa ma'a tahqiqi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. ومعنا أيها الأحبة حديث أخرجه الإمام البخاري يبين لنا مدى أهمية الحقوق في الإسلام آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة، أي لابسة ثياب المهنة تاركة لباس الزينة، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أي ليس له حاجة في النساء. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصلى يا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. فهذه هي الأخوة الصادقة التي تذكر بما على الصديق من حقوق، ونتأمل بماذا بدأ سلمان رضي الله عنه وأرضاه هذه الحقوق. إنما بدأها بأعظمها وذروة سنامها، ألا وهو حق رب العزة سبحانه وتعالى، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإن الله سبحانه وتعالى لتوحيد للمونوتيسم إلو دغوى إكسوزيف دالله سبحانه وتعالى سور سي سيرفيتور. Les droits en islam ont une grande importance. Et le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le summum de ces droits. C'est le pivot autour duquel tournent tous les droits en islam. C'est la fondation de tous les droits. Et aucun droit ne serait accepté par Allah subhanahu wa ta'ala si le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été réalisé. Nous avons un hadith chez l'imam Bukhari rahimahullah qui nous montre l'importance des droits en islam. Abu Juhayfa Wahb ibn Abdillah radiyallahu anhu ardah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de Salman et Abu Darda des frères. Un jour Salman alla visiter Abu Darda et trouva sa femme négligée, Umm Darda. Salman lui demanda pourquoi donc tu négliges ainsi. Umm Darda répondit ton frère n'éprouve aucun désir pour ce bas monde. À ce moment-là arrive Abu Darda et ramène à manger à Salman et lui dit « Mange, moi je jeûne. » Salman objecta « Je ne mangerai que lorsque tu te joindras à moi. » Puis la nuit tomba, Abu Darda s'apprêta à prier, mais Salman lui dit « Dors. » Abu Darda s'endormit un moment, puis se leva pour prier. Salman lui redit « Dors. » Abu Darda se recoucha, convint les dernières heures de la nuit. Salman se leva, ou le dernier tiers de la nuit, Salman se leva et dit à Abu Darda, « Maintenant tu peux te lever. » Et ils ont prié, puis Salman a dit à Abu Darda, « Ton Seigneur a certains droits sur toi, mais ta personne et ta famille ont aussi un droit sur toi. Rends donc à chacun, à chaque ayant droit, ce qui lui revient. » Abu Darda alla raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui venait de se passer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salman a dit vrai ». Et cela nous montre que le réel et véridique frère, c'est celui qui te rappelle le droit d'Allah et les autres droits. Et qu'on médite avec quel droit Salman a commencé. Il a commencé avec la base et la fondation de tous les droits, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. إخوة الإسلام، يقول العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في مقدمة رسالته أصول الإيمان أو نبذة في العقيدة، فطبعت بهذا العنوان وبالآخر، طبعت باسم أصول الإيمان وطبعت باسم نبذة في العقيدة. يقول أما بعد، فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرا وأوجبها مطلبا، لأنه العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده، ولأنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأساس شرائعه، ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهد سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية، وشهد له بها ملائكته وأهل العلم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال رحمه الله: ولما كان هذا شأن التوحيد كان لزاما على كل مسلم أن يعتني به تعلما وتعليما وتدبرا واعتقادا، يبني دينه على أساس سليم واطمئنان وتسليم يسعد بثمراته ونتائجه. فهنا الله سبحانه وتعالى لغدي محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه أدي dans l'introduction de son épître qui a été édité avec plusieurs fois mais avec deux titres différents, les fondements de la foi ou un concile des croyances. Il a dit rahimahullah: de toutes les sciences, le tawhid c'est la plus noble et la plus éminente science. C'est la science qui mérite le plus d'être étudiée, car il ne permet de connaître Allah, ses noms et ses attributs et ses droits sur ses serviteurs. Il est la clé de la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le fondement de ses législations. C'est pour cette raison que tous les messagers alayhi salatu wassalam ont appelé leur peuple à proclamer l'unicité d'Allah et à lui réserver le culte exclusivement. Il a cité le verset dont la traduction approximative nous dit cela: nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler, nul n'est digne d'être adoré que moi, adorez-moi. Allah Azza wa Jal témoigne lui-même de son unicité, ainsi que ses anges et les gens de science. Et dans la traduction approximative du verset, il nous dit: Allah atteste, ainsi que les anges et les hommes de science, qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée que lui. C'est lui qui maintient la justice. Et il n'y a aucune divinité digne d'être adorée que lui, le puissant, le sage. Il dit rahmatullah alayhi: étant donné la place centrale qu'occupe au sein de la religion l'unicité d'Allah, il est du devoir de chaque musulman de lui accorder l'importance qu'il mérite, notamment en l'étudiant, en l'enseignant, en méditant sa signification et en l'adoptant comme croyance afin de bâtir sa religion sur une base saine et d'accomplir et d'acquérir une sérénité et une soumission qui le feront parvenir à la félicité. Fin de citation des paroles de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. ولأجل هذا كانت هذه المجالس في هذا المسجد المبارك في محاضرات حول أبواب كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يكون دائما بجنبه وأن يدمن النظر فيه. هذا الكتاب الذي ألفه الإمام المجدد رحمه الله محمد بن سليمان التميمي. C'est pour ça, frère, en Allah subhanahu wa ta'ala, que nos frères ont suggéré que les assises dans cette mosquée bénite soient consacrées à des conférences sur la base des chapitres du livre du monothéisme. Ce noble livre, qui est un combattant écrit par le revivificateur du XIIe siècle, Mohammed ibn Sulayman Tamim, rahimahullah, ce livre, il incombe à tout musulman et à tout soumis à Allah subhanahu wa ta'ala de le lire constamment, de le lire, de relire et de relire, et jamais se lasser de sa lecture. قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله عن كتاب التوحيد: هو كتاب فرد في معناه لم يسبق إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله عن كتاب التوحيد: ليس له نظير في الوجود. الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله أدي concernant le livre du tawhid: c'est un livre unique dans son sens, dans le sens de son sujet, dans le sens du sujet qu'il traite. Personne n'a devancé l'imam dans ce sujet et personne ne pourra le rattraper à ce niveau. عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله a dit concernant ce livre, il n'a pas d'équivalent dans l'existence. فهو كتاب عظيم ألف على منوال صحيح البخاري فيفتتح الإمام رحمه الله تعالى الباب بآية تدل على المراد بالباب ويتبعها بحديث أو أثر عن السلف رحمهم الله فتأليفه وترتيبه بديع قال الله قال رسول الله قال السلف وقراءة هذه الكتاب متعة C'est le livre du Tawhid est un noble livre qui a été constitué de la même façon que l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah. L'imam rahimahullah ouvre chaque chapitre par un verset qui est la preuve pour le contenu du pour ce que contient le chapitre. Il suit cela d'un hadith ou plusieurs hadiths, puis il suit cela d'un atar du prédécesseur d'Allah alayhim. Le livre est extraordinaire dans sa constitution, très agréable dans la lecture. Allah subhanahu wa ta'ala, on voit dans le livre, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pieux prédisseurs, Ridwanullah alayhim, ont dit, Qala Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, rahimahullah, fi fatawa, la yuzhadu fi tawhid, fa inna zuhda fihi, yuqi'u fi ziddihi, wa ma halaka man halaka, ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه وظنوا أنه يكفي الإسم والشهادتان لفظا ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله هل هو موجود أو مفقود وقال رحمه الله ما دخلت الخرافات إلا بالتسامح في معرفة التوحيد وبالغوا في الصالحين وأنه يكفي التسمي بالإسم فبذلك وأنه يكفي التسمي باسم الإسلام فبذلك وقع الشرك انتهى كلامه رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله dans ses fatawas dit il faut pas renoncer ou négliger le tawhid car cela entraîne vers l'opposé du tawhid qui est le shirk car la cause de la perdition de ceux qui prétendent être des musulmans c'est le fait de n'avoir pas donner l'importance au droit du monothéisme. Ils ont cru que la prononciation de l'attestation de foi et le fait de se dire que je suis musulman est suffisant. Ils n'ont pas fait attention à ce qui annule l'attestation ou à ce qui la diminue et est-ce qu'il reste encore chez eux l'attestation ou pas. Et il a dit, rahimahullah, les légendes se sont immiscées dans la religion des gens par Il a dit, les légendes se sont émissées dans la religion des gens par la légèreté de leur connaissance du tawhid. Ainsi, ils ont exagéré concernant les vertueux et se sont suffis de l'appellation musulmane. Et c'est ainsi que s'installe le polythéisme. Fin de citation des paroles de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala. Et il a dit vrai. Regardez les légendes sur lesquelles qu'on raconte concernant les morts que les gens ils adorent. Et quand on regarde ces légendes, on les analyse, on voit que les gens ont donné les actes que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala des morts. Hein? Et ils ont fait ces histoires pour que les gens croient en ces morts et pour que ces gens s'attachent à ces morts. Et pour qu'ils baignent dans le polythéisme et qu'ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال العلامة محمد بن أمال الجامي رحمه الله في شرحه لقرة عيون التوحيد لا تستبعد أن تقع في الشرك الأكبر لا تستبعد بل عليك أن تخاف من الشرك كما خاف الخليل وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبك الشرك L'érudit Cheikh Mohamed Amal Jami, rahmatullah alayh, dit, ne crois pas que tu ne tomberas pas dans le polythéisme. Ne crois pas que tu vas pas tomber dans le polythéisme majeur. Ne crois pas cela. Il faut que tu craignes le polythéisme, comme l'avait craint Ibrahim alayhi salam. Il faut que tu implores Allah de te faire éviter le polythéisme. Fin des paroles de Cheikh Mohamed Amal Jami, rahimahullah. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء يدعو بهذا الدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وهو إمام الحنفاء صلوات ربي وسلامه عليه فكيف بنا نحن الضعفاء من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام سي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فزي الدعاء comme cela est cité dans la traduction approximative du sens du verset, et fais-moi éviter, ainsi qu'à ma descendance, l'adoration des idoles. Ibrahim, qui est l'imam des monothéistes, qui est l'imam de ceux qui se sont éloignés du polythéisme, et qui ont fait creuser un fossé entre eux et le polythéisme. L'imam du Hunafa fait ce dua, Alors, qu'est-ce qu'il en est de nous? Qu'est-ce qu'il en est de nous, nos autres faibles? وَلِهَذَا كَانَ لِزَامًا عَلَيْنَا دَوْمًا وَأَبَدًا النَّظَرَ فِي كُتُبِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُضَادُ التَّوْحِيدِ وَفِي كُتُبِ الْعَقِيدَةِ وَمَا يُضَادُ الْعَقِيدَةِ وَاللَّهُ هُوَ الْمُثَبِّتِ وَاللَّهُ هُوَ الْمُوَفِّقِ وَلَكِنْ لَا بُدَّ لَنَا مِنَ الْقِيَامِ بِالْأَسْبَابِ وأن نتأمل وصية الإمام تقي الدين الهلالي رحمه الله لأحد طلابه عن كتاب التوحيد قال له كتاب التوحيد لا يكفي أن تقرأه مرة واحدة بل ينبغي أن تقرأه دائما كلما ختمته بدأته من جديد كما أفعل أنا أي كما كان يفعل هو رحمه الله لأن الناس دائما في حاجة إليه ليستيقن الموحد ويزداد رسوخا وليرجع المشرك عن شركه انتهى من رسائل الإمام تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه سي بور سا فرون الله سبحانه وتعالى nous encombre toujours de réviser les livres du tawhid et son opposé et aussi les livres de l'aqida authentique et son opposé c'est Allah سبحانه وتعالى qui raffermit et donne la réussite Mais nous devons utiliser les moyens et les causes. Et comme il dit le conseil de l'uridi Cheikh Taqi Dil Hilal, rahimahullah, à l'un de ses élèves, il lui a dit, le livre du Tawhid, ça ne suffit pas de le lire une seule fois, mais il t'incombe chaque fois que tu termines sa lecture, de le recommencer à nouveau. Comme je le fais, car les gens ont toujours besoin du tawhid pour que la certitude du monothéiste se renforce et augmente et pour que le polythéiste délaisse son polythéisme. Fin de citation des paroles de Cheikh Taqi Dil Hilal rahmatullah alayh dans ses correspondances personnelles. قال العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري رحمه الله فحاجة الناس لتوحيد الله جل في علاه وتصحيح هذه المعتقدات واجب على طلاب العلم حاجتهم إليه ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل وإلى الهواء الذي يتنفسونه فهذه المظاهر موجودة أي مظاهر الشرك فهذه المظاهر موجودة هذه المظاهر التي حكاها أبو شامة وما نقل عن ابن القيم من مظاهر الشرك قال موجودة بأشكال أخرى فحري بطلبة العلم أهل السنة المحضة أن يبينوا الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم يعرف الناس ما يجب عليهم من حق رب العالمين بخلاف ما يقول بعض المتحدلقة الحمد لله لا يوجد شرك الآن أنتم كل يوم توحيد توحيد توحيد يكفي ألا توجد هذه النماذج المذكورة أي نماذج الشرك يقول ألا توجد هذه النماذج المذكورة موجودة أو غير موجودة شرق أو غرب روح يمين أو يسار ستجد هذا في بلدان وفي أماكن وفي أقطار وفي بقع كثيرة صحيح تعبد هذه الأضرحة وهذه الأشجار وهذه المزارات وهذه العيون وهذه الصخور تعبد من دون الله عز وجل ألا يتمسحون بها ويتبركون بها ويستغيثون بها ويطلبون منها وينذرون لها من دون الله؟ يقول حفظه الله: يحتاج الناس إلى هذا التوحيد وإلى تصحيح الاعتقاد، فأمر التصحيح شاق جدا ومرهق جدا، ولا يقوى عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وسدده وعانه. Notre noble érudit Cheikh Abdallah al-Bukhari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et annonce sa vie dans son obéissance, a dit: les gens ont besoin du tawhid et ils ont besoin d'authentification, d'authentifier leurs croyances. Il a dit: il est obligatoire aux étudiants de science de s'en occuper et de propager le monothéisme. Il a dit: les gens ont un grand besoin du tawhid. Ils ont besoin du tawhid plus que la nourriture, plus que la boisson, plus que l'air qu'ils respirent. Il a dit: ces aspects du polythéisme qu'a cité Abu Shama, Ibn al-Qayyim, ainsi qu'Ibn al-Qayyim, existent aujourd'hui, mais dans des formes et dans des aspects qui sont différents. Il dit: il incombe aux étudiants de science, les adeptes de la sunna pure, d'éclairer la vérité aux créatures de la meilleure des manières. Il faut faire connaître aux gens le droit du souverain du monde, subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ces pompeux qui disent: louange à Allah, il n'y a pas de shirk aujourd'hui. Et vous, vous n'arrêtez pas tawhid, tawhid, tawhid, ça suffit. Ils disent que ces phénomènes du polythéisme, cité n'existe pas. Il dit: va à l'est de la planète ou à l'ouest, va à droite, va à gauche, tu les trouveras dans différents pays, dans différents continents et dans beaucoup d'endroits sur Terre. Ces phénomènes existent. C'est vrai que les mausolées, les arbres, les sources, certains rochers sont adorés en dehors d'Allah. Les gens s'essuient sur les mausolées, sur des pierres qu'ils vénèrent, essuient leurs mains, leurs visages, pour y prendre les bénédictions. Les gens leur demandent aux morts et demandent à ces pierres et à ces sources le secours. Les gens leur demandent des choses que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens leur font des vœux et égorgent pour eux. Les gens, il dit rahimahullah, habidahullah, les gens ont un grand besoin du tawhid et de l'authentification des croyances, car l'authentification des croyances est très difficile. Et c'est quelque chose d'épuisant qui ne peut être accompli que par celui qu'Allah aide et raffermit. Fin des paroles de Cheikh Abdallah al-Bukhari, hafizahullah ta'ala wa matta'a bih. فبعد هذه المقدمة نبدأ بالباب الأول، عنوان له كتاب التوحيد. وهذا باب يعرفنا بالتوحيد الذي خلقت من أجله الخليقة. كانت قريش أناسا يتعبدون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون ويصلون الرحم ويكرمون الضيف ويذكرون الله كثيرا ويعترفون أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير ويخلصون لله العبادة في الشدائد، لكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ليشفعوا لهم ويسألون الله لهم، زعما أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة. فبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله عز وجل، وأن فعلهم هذا أفسد جميع ما هم عليه من العبادة، وصاروا بذلك كفارا مرتدين حلال الدم والمال، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. Après cette introduction, on commence par le premier chapitre dans ce livre. Ce chapitre dont l'intitulé c'est « Le livre du monothéisme ». C'est un chapitre par lequel l'imam a voulu nous faire connaître le contenu et la signification du monothéisme. Et il n'échappe pas à votre connaissance que les associateurs de Quraysh, lors de la période pré-islamique, accomplissaient des actes d'adoration, faisaient le pèlerinage, faisaient la umra, donnaient la charité, entretenaient les liens du sang, ils honoraient l'hôte, ils invoquaient Allah et ils reconnaissaient qu'Allah est le seul qui a créé et qui gère cet univers. Et au moment de grandes difficultés, ils sont sincères dans leur adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah, qu'ils implorent avec Allah, et à qui ils égorgent, et à qui ils font des vœux, et auprès desquels ils cherchent secours. Et ils les prennent comme intermédiaires pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prétendent qu'ils sont plus proches d'Allah qu'eux. Allah Azza wa Jal a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour leur revivifier la religion de leur père Ibrahim alayhi salatu wassalam, et pour leur annoncer que ses actes et ses croyances doivent être réservés exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour leur faire comprendre que ce qu'ils faisaient a détruit toutes leurs adorations. Et avec cela, ils sont devenus du kuffar. Le messager d'Allah les a combattus pour l'imploration et l'émulation qu'ils vouaient pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour les vœux, qu'ils faisaient à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour la demande du secours qu'ils faisaient à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour toutes les, il les a combattus pour toutes les autres formes d'adoration qu'ils vouaient à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وكما لا يخفى عليكم أن العلماء لتقريب الفهم قسموا رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهذا بعد استقراء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأول كما تعلمون هو توحيد الربوبية، وهو العلم والإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون. قال عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقد نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في الخلق والرزق. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وقد فطر الله جميع الخلق على الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، حتى إن المشركين الذين جعلوا له شريكا في العبادة يقرون بتفرده بالربوبية سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, les savants, pour faciliter la compréhension de la religion et la compréhension du sujet de la religion, et parmi les plus nobles sujets de cette religion, le monothéisme, ils ont divisé le monothéisme en trois parties. La première forme du monothéisme est le monothéisme de la seigneurie, qui est le fait de savoir et de confirmer que c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur de cet univers, et qu'il est le seul qui donne la subsistance, et qu'il est le seul qui gère et administre cet univers en entier. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, « Dis-leur, Allah est le créateur de toutes choses. » Et dans l'autre traduction de l'autre verset, « Il n'y a pas une créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. » Il sait où il se trouve, où il trouve refuge et où il mourra. Dans l'autre traduction du verset, il nous dit « Qui administre tout ?» Ils répondent « C'est Allah ». Prenons Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez. Allah n'a pas d'associé dans la création, ni dans le fait d'octroyer la subsistance. Allah a nié cela, il a rejeté. Et le verset il est clair dans sa traduction approximative. Tel est le Créateur, telle est la création d'Allah, montrez-moi. Montrez-moi donc ce que qu'ont créé ceux qui sont adorés en dehors de lui. Et dans l'autre verset, qui assurerait votre subsistance si Allah a cessé de vous l'accorder? La saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses créatures reconnaît et confirme la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les associateurs qui lui donnent des associés dans l'adoration lui reconnaissent l'unicité de la seigneurie. Comme cela est clarifié dans certains versets, comme dans la traduction de celui-ci, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront, c'est le Tout-Puissant, l'Omniscient, qui les a créés. القسم الثاني من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذلوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وكل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى فالعليم يدل على العلم والحكيم يدل على الحكمة والسميع البصير يدلان على السمع والبصر وهكذا كل اسم يدل على صفة من صفات الله تبارك وتعالى وقد أخبر سبحانه وتعالى أن له وجها فقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال وأخبر سبحانه وتعالى أنه له يدين قال تعالى بل يداه مبسوطتان وأهل السنة والجماعة من السلف الصالح رضوان الله عليهم وأتباعهم يثبتون أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها وما تدل عليه ألفاظها من المعاني ولا يؤولونها عن ظاهرها ولا يحرفون ألفاظها ودلالتها عن مواضعها وينفون عنها مشابهة صفات المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Et la deuxième catégorie du monothéisme, c'est celui des noms et des attributs d'Allah. Allah Azza wa Jal doit être qualifié et décrit par les attributs qu'il s'est donné lui-même, ou avec les attributs avec lesquels le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié et décrit. Parmi les attributs les plus parfaits et les plus nobles, qualificatifs, sans chercher le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont déformés leur sens qu'ils ont dans la langue arabe. Ils sont les nier non plus. Les versets sont clairs, dans la traduction approximative, nous dit cela. À Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms et écartez-vous de ceux qui les profanent. Ils seront rétribués pour leurs agissements. Dans l'autre verset, Il n'est de digne divinité digne d'adoration que lui. Il possède les plus beaux noms, subhanahu wa ta'ala. Chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala contient un attribut. Parmi les noms d'Allah, l'omniscient, qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la science, l'attribut de la science, est d'Allah subhanahu wa ta'ala, une science absolue, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'a pas été devancée par une ignorance, abadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est hakim, il a l'attribut de la hikma. Allah subhanahu wa ta'ala, il est sami', celui qui entend tout, rien ne lui échappe. Et cela prouve l'attribut de lui à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est basir, il voit tout, rien ne lui échappe. Et cela prouve l'attribut de la vue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite, chaque nom prouve un attribut parmi les attributs sublimes et complets et absolus d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas d'égal. Allah azza wa jalla nous a annoncé qu'il a un visage. Verset, il est clair. Seul demeurera le visage de ton Seigneur. Il nous a annoncé subhanahu wa ta'ala qu'il a deux mains. Comme dans le verset dans la traduction approximative, nous dit cela. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Les gens de la sunna, parmi les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, et leurs disciples, qui les suivent, confirment les noms d'Allah, ainsi que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils sont relatés dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète alayhi salam, ainsi que leur signification dans la langue arabe. Ils ne déforment pas leur signification, tout en et ils rejettent en même temps la ressemblance avec les créatures. Comme il est dit dans le verset, rien ne lui ressemble, et il entend tout, et voit tout. Donc nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, leur aqida, c'est de confirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans les dépouiller de leur sens, sans les nier, tels qu'ils sont, ils sont chercher le comment des attributs d'Allah, car il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ses attributs. والتوحيد الثالث القسم الثالث توحيد الإلهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويتعلق بأعمال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وهذا النوع من التوحيد هو أول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم وفيه وقع الشجار والحرب بين الأنبياء وأقوامهم قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل رسول يبدأ بالأمر بإفراد الله في ألوهيته كما قال نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قول إبراهيم وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه وأنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل لأنه الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال وبدون تحققه لا تصح جميع الأعمال فإنه إذا لم يتحقق هذا النوع من التوحيد حصل ضده وهو الشرك وقد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر فمتى أتى المرء بنوع ولم يأتي بالآخر لم يكن موحدا فإن الله سبحانه وتعالى لا تخازيم كاتيغوري دو توحيد سيدت لو توحيد لو مونوتيسم دو لادوراسيون qui est le monothéisme dans lequel il y a eu la guerre entre les prophètes et leur peuple. Et le plus important, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce tawhid concerne les actes des soumis, leurs paroles, qu'ils soient apparentes ou intérieures, comme dua, comme le vœu, les vœux, comme l'émulation, l'espoir, la crainte, la confiance et autres. Ce tawhid, c'est la première, c'est le premier, le principal sujet de la da'wah des messagers, alayhi salatu wassalam. Du premier messager au dernier. Comme cela est cité dans beaucoup de versets, dans la traduction approximative de l'un de ces versets nous dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Chaque messager, alayhi salatu wassalam, commence sa da'wah par l'ordre de réserver le culte exclusivement à Allah. Nuh, alayhi salatu wassalam, ainsi que Hud, ainsi que Saleh, ainsi que Shu'aib, et tous les autres prophètes, alayhi salatu wassalam, on dit comme il est stipulé dans ce verset, à leur peuple, ô peuple, réservez le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah. Et dans l'autre verset, lorsque Ibrahim dit à son peuple, adorez Allah seul et préservez ses droits. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce verset dont la traduction approximative nous dit cela, dit à Muhammad, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Ce tawhid, c'est le sujet crucial de la da'wah des prophètes alayhi salatu wassalam et de tous les messagers. Car c'est la fondation sur laquelle se basent toutes les œuvres. Sans l'accomplissement de ce tawhid, les œuvres ne sont pas valides. Car si ce tawhid ne s'accomplit pas, c'est son opposé qui prend place, le polythéisme, le shirk. Et il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu attribues un associé à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras du nombre des perdants. Et dans l'autre verset, dans la traduction approximative, nous dit cela, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, il pardonne ce qui est moindre à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Les trois formes du tawhid sont liées l'un à l'autre. S'il manque à la personne un des trois tawhid, ben il ne sera pas un réel monothéiste. Il ne sera pas muwahhid. Ils sont liés, tous les trois sont liés. L'un est imbriqué dans l'autre. L'un implique l'autre. Et donc, pour être un réel monothéisme, c'est le fait d'accomplir et de concrétiser les trois formes de monothéisme. Et on va, inshallah, arrêter ici pour cette assise. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahumma wa sallim wa barik. على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وصلى الله عليكم جزاكم الله خيرا